Puis automatiquement, comme il dit dans l'anglais, you have to shoot for the star. Aim for the top. Aim for the top. Don't aim for the middle. You have to aim for the top. Une question? Est-ce que Olivier, tu peux nous parler de l'agressivité? Tu veux donner plus de vibrations à ta question. Quelle sorte de genre d'agressivité? En tant que... Et toi, tu dois jamais demander à quelqu'un